Je viens de Madagascar, un lieu certifié Lascar. Le pays des Lémuriens, la rue est remplie de vauriens. Nos montagnes sont merveilleuses, nos rizières sont merveilleuses. Vont tromber mon village, où faut garder le courage. Ma région, royaume du bonheur, mon pays garde honneur. Les politiciens se disputent, le président diminue sa cote. J'en rigole au gouvernement, la trop de gogole. Les malgaches sont fiers de leur pays. Mon pays, mon bled, c'est ma fierté. Restons fiers, mes frères et sœurs. Tonga, Suwa, Ni, Madagascara, Manaon, les pousses-pousses se multiplient. Les enfants malgaches se multiplient. Ici, on parle beaucoup le français. M, A, D, A, G, A, S, C, A, R. Ancienne colonie française, fière de mon bled. J'ai pas de regret d'avoir quitté mon pays pour la France. Un riche pays, si tu testes ce pays, tu peux finir troué. Fais attention aux quartiers sensibles, tu pourras être dépouillé. Il y a aussi des quartiers paisibles. Pays, mon bled, c'est ma fierté. Restons fiers, mes frères et sœurs. Mon pays, mon bled, c'est ma fierté. Restons fiers, mes frères et sœurs. Encore une balle pour représenter mes racines.